La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. C'est parti pour une nouvelle destination au Québec, un numéro de la courte échelle consacré entièrement aux artistes indépendants québécois. Numéro qui démarre avec Pat Polito. Il n'a pas connu le cheminement habituel des auteurs-compositeurs-interprètes. À l'âge adulte, sans études musicales ni de spectacles de reprise à la mode à son actif, il tient plutôt à développer ses propres compositions et travailler ses propres textes. À 20 ans, il se retrouve dans la rue et 4 ans plus tard, devient intervenant dans un café de rue. Ce bagage de vie ainsi que tous ses souvenirs deviennent une ressource d'inspiration permettant l'écriture de ses chansons. Le voici avec tout ce qui se passe. On reste ensemble, c'est décidé, c'est réparé. Comme un vieux char, on est solide, un vrai bolide. Ensemble, on a fait du millage, puis y'a de quoi être fier de notre âge. C'est pas une petite scratch qui va gâcher. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se casse, on vient d'une bonne année, on est fait pour durer. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se casse, on vient d'une bonne année, on est fait pour durer. On reste ensemble, c'est décidé. Ensemble, c'est décidé. On reste ensemble, c'est décidé. C'est réparé. Comme notre pick-up, lui a toffé. Y'a juste un peu de rouille ses côtés. Avec lui, on a voyagé. De Témis jusqu'à Percy. C'est pas une petite scratch qui va gâcher. Quand on n'est pas fait pour. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se casse, on vient d'une bonne année, on est fait pour durer. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se casse, on vient d'une bonne année, on est fait pour durer. On reste ensemble, c'est décidé. Ensemble, c'est décidé. On reste ensemble, c'est décidé. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se casse, on vient d'une bonne année, on est fait pour durer. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se casse, on vient d'une bonne année. Alex Carbone est originaire de la région du Saguenay. Alex Carbone a un parcours plutôt atypique avec sa chanson « Tu perds jamais » que l'on va écouter. Eh bien, il s'inspire de ses virées nocturnes dans un Montréal pas si lointain, d'une époque d'insouciance et de désinvolture. Ensemble, c'est décidé. On reste ensemble, c'est décidé. Destination Québec. Ses ailes noires sur nous, toi tu restes debout. Lucifer a voulu faire un deal avec toi, et il a fait un bon coup. Quand tu apparais dans ton nuage flou, oh moi je mets les bouts, car nul ne te connaît comme je te connais. You never lose. You never lose. You never lose. You never, never, never, never, never lose. Ça veut dire que je peux pas gagner. Ça veut dire que je peux pas gagner. Ça veut dire que je peux pas gagner du tout. J'aurais dû savoir que c'était glissant avant de m'approcher du trou. J'aurais dû me méfier de ce sable émouvant. Me voilà calé jusqu'aux genoux. Puis tu apparais avec tes phrases floues. Au moins je mets les bouts. Car nul ne te connaît comme je te connais. You never lose. You never lose. You never lose. You never, never, never, never, never lose. Ça veut dire que je peux pas gagner. Ça veut dire que je peux pas gagner. Ça veut dire que je peux pas gagner du tout. Tu perds jamais. Non. Tu perds jamais. Ouais. Tu perds jamais. Tu perds jamais, non. Après quelques années à tourner au Québec et ailleurs comme musicien pour divers artistes, Ben Clavo a fait paraître son premier album en 2017. Son second est sorti en début de cette année. Et voici La route est longue. Ça veut dire que je peux pas gagner. Ça veut dire que je peux pas gagner de tout. Hier soir c'était pas la gloire, puis hier matin c'est encore la même histoire. Un petit remontant sur McDonald's pour toffer jusqu'à Robertval. Après ce show là, juste qu'on s'en va au festival du break à bras. Un show de boucan au fond du bois, un café fret, une bière tablette. Fais-toi-en pas, tu vas t'en remettre. La route est longue jusqu'au top, et si tu veux faire du rock'n'roll, courailler sa galère à tous les soirs. La route est longue jusqu'au top, tu ferais mieux de rester à l'école. J'aurais dû goûter ma mère en désespoir. Toute une vie entre les dépanneurs, sur des chemins que je connais par cœur. Ben du millage, une coupe de scène. Merci, bonsoir, bien à la prochaine. Pack les guitares et puis on part. Tiens ça à côté jusqu'à Val d'Or. Ta poche, tu le fais, il est pas trop tard. Les chums sont pas reposant dans le nord. On dormira rendu l'autre bord. La route est longue jusqu'au top, si tu veux faire du rock'n'roll, courailler sa galère à tous les soirs. La route est longue jusqu'au top, tu ferais mieux de rester à l'école. J'aurais dû goûter ma mère en désespoir. Saison, retourne à la maison, retourne à des intoxications. Une coupe de mois barré dans le chac, ça devrait bien me remettre sa traque. Mais c'est pas le party sur le vieux gagné, avec les flots, les billes d'hydro, le bois de chauffage, mais pas de chômage. L'hiver se ramène, déjà plus une scène, bien-être social dans point à mal. La route est longue jusqu'au top, si tu veux faire du rock'n'roll, courailler sa galère à tous les soirs. La route est longue jusqu'au top, tu ferais mieux de rester à l'école. J'aurais dû goûter ma mère en désespoir. La route est longue jusqu'au top, si tu veux faire du rock'n'roll, courailler sa galère à tous les soirs. Folklofolie, c'est un duo composé de Marie-Claude Gagnon et André Varin. Leur dernier EP produit 4 chansons originales aux couleurs traditionnelles. En voici un extrait, Smash the Window. Destination Québec. Les Chiclettes, c'est un trio vocal composé de Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie Kim. Elle nous propose Sérieux, bravo. Destination Québec. Je viens tout juste finir de la ville plancher. Quand tu décides de rentrer avec ses souliers, puis y a l'audace de dire qu'ils sont pas mouillés. Bébé, c'est dur à croire en plein janvier. Quand je mets pile de linge au bas de l'escalier, en espérant que miracle va se passer, que c'est quelqu'un d'autre que moi qui va le ramasser. Ben non, c'est sûr que tout le monde passe à côté. Si tu deviens féroce quand quelque chose te gosse, c'est pas le moment de virer une brosse ou de péter ta coche. Si quelque chose t'énerve, ben si quelque chose te régénère, papa, on a trouvé la solution. Échelle. Chaque semaine dans votre radio, La Courte Échelle. Destination Québec. À ta façon de prendre la lumière, à tes yeux impossibles à oublier. Au cours des deux dernières années, Dominique Hudson a planché sur son cinquième opus. En voici un extrait avec Ola. J'ai commencé à manquer d'air au moment où j'allais te supplier. Alors mon cœur s'est arrêté. Bien avant le premier des quais, oh là, Et dès les premiers oh là, oh là, je savais que c'était toi. Bien avant le premier baiser, bien avant le premier déquiet. Oh là, oh là, quelques mots juste à ta voix. Si l'amour est un grand mystère, je dis oh là, que c'est beau. Émilie Bouchard est originaire de Saint-Gédéon, dans la MRC de Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr au Québec. La voici avec Plumage. Destination Québec. L'album Maginette à ma façon voit Guylaine Tanguay se livrer vocalement comme jamais, donnant même des moments de grande émotion, avec Je ne suis qu'une chanson notamment. La courte échelle. Je ne suis pas épargnée. Toute ma vie, j'ai raconté. Comme si ça ne se voyait pas. Que la pudeur en moi n'existe pas. Ce soir. Au rythme de mes fantaisies, je vous ai fait partager ma vie en rêve ou en réalité. Ça n'en demeure pas moins la vérité. Mais moi, je ne suis qu'une chanson.

avec qui le partager. Les âmes ne sont pas faits pour s'appartenir, mais ils sont faits pour être libres ensemble. L'amour, la vraie liberté. L'amour, c'est aussi être celui qui pardonne la faute, celui qui vous aimera sans vouloir vous changer. Les êtres ne sont pas faits pour s'appartenir, mais ils sont faits pour être libres ensemble. L'amour, la vraie liberté. Choisir avec qui le partager. Les âmes ne sont pas faits pour s'appartenir, mais ils sont faits pour être libres ensemble. L'amour, la vraie liberté. La courte échelle. Michel Léonard est natif de Ferme-Neuve. Il a besoin de rire et de s'amuser. J'ai besoin de rire, de m'amuser, que ce soit dans la cuisine ou dans la chambre à coucher. La vie est si courte, il faut en profiter. Les gens ne sourient plus, ils ont l'air fatigués. Pas besoin de vous le dire, vous le savez comme moi. Tout va beaucoup trop vite, il faut arrêter ça. J'ai besoin de rire, de m'amuser, que ce soit dans la cuisine ou dans la chambre à coucher. La vie est si courte, il faut en profiter. Un feu à chaque jour et tout au long de l'année. On court tous comme des fous à longueur de journée. Après on se demande pourquoi on est fatigué. Quand arrive la fin de semaine, nous sommes tous épuisés. On ne pense plus qu'à une chose, c'est d'aller se coucher. Il faut en profiter un peu à chaque jour et tout au long de l'année. Respirez un bon coup, prenez du temps pour vous. On ne peut pas tout faire en une seule journée. C'est pas en courant que vous gagnerez du temps. Vous vieillirez plus vite, vous perdrez la santé. J'ai besoin de rire, de m'amuser, que ce soit dans la cuisine ou dans la chambre à coucher. La vie est si courte, il faut en profiter. Un feu à chaque jour et tout au long de l'année. J'ai besoin de rire, de m'amuser, que ce soit dans la cuisine ou dans la chambre à coucher. La Maison H, c'est le projet fondé en 2017 par le compositeur, guitariste et chanteur Denis Ferland, le bassiste David Valentine et la chanteuse Marilyn Allard. Destination Québec. Ils nous interprètent Mathilde et Romy. Nos âmes se rejoignent au sommet de l'Olympe pour une romance sans instance. Toute l'armée de fantômes qui souhaitait qu'on s'affaisse ne pourra trouver notre abri. Maggie Savoie est une artiste émergente qui baigne dans le milieu de la musique depuis toujours et qui a commencé une carrière professionnelle comme autrice, compositrice et interprète en 2015. Elle nous emmène nous promener dans les Appalaches. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Thank you. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Destination Québec. Roulant 200 km à l'heure, sans même regarder derrière. Retrouver l'état d'apesanteur. Nos corridors, voici l'exil. Le groupe est originaire de Montréal. Criant à en avoir mal au cœur, les miroirs nous dévisagent. Faire à croire qu'on n'aura jamais peur. D'être première dans la lune éclaire nos corridors, courir

hérité, mais un peu irritable. Fred Bellan est natif de Saint-René-de-Matane en Gaspésie. Il a baigné très jeune dans la musique puisqu'il est né d'une famille de musiciens. On va veiller tard, c'est le titre qu'il nous propose. La neige qui tombe un samedi matin m'accompagne sur l'autoroute 20. Il reste encore quelques heures en avant, ça va, je l'ai fait souvent. Je dois aller. M'en revenir aussitôt, mais j'ai croisé ton regard là-bas au fond du bar. J'étais parti depuis quelques années, mais je n'avais jamais quitté. C'est ici que je voulais passer ma vie, même si des fois on s'ennuie. J'étais allé faire un show pour m'en revenir aussitôt, mais j'ai croisé ton regard là-bas au fond du bar. Et plus rien ne sera jamais comme avant, on le savait pas encore. Et ce soir en attendant, et on va veiller tard, oui on va veiller tard. On commence une histoire quelques accords. Et notre histoire s'écrit un jour à la fois dans ce village en Gaspésie. La vie continue aujourd'hui, on est trois, notre famille s'est agrandie. Moi qui croyais tout savoir, maintenant je garde en mémoire lorsque j'ai croisé ton regard. Claude compose et chante depuis très longtemps déjà. Enfant, elle s'amusait à enregistrer sur sa petite radiocassette et répéter en boucle les mêmes chansons. Elle va terminer cette émission avec Vie de chien. Souder plus fort, j'alléma toutes mes peurs pour mieux conserver mon cœur. La fuite est si facile pour éviter les tempêtes. J'ai jamais quitté mon fort. Le déni est si facile et trop souvent, presque tout le temps, je détourne le regard. Bien calé dans mon confort, puis doucement les remords, l'impression qu'il est trop tard. Et quand le monde ne tiendra qu'un fil, faudra tout faire pour lui tendre la main. Si demain il est trop tard, faudra ensemble se souder plus fort. Sur ses épaules, partons plus loin, main dans la main, l'esprit serein, au fond la lumière, petit bout de terre, une vie de pluie, une vie de chien. Quand monde tombera en larmes. Quel que soit votre style de prédilection, je pense que dans cette émission, vous y avez trouvé votre compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Destination Québec. En attendant, soyez heureux. Instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.